Michel-Édouard Leclerc, le patron des centres Leclerc et Formel, un produit va vous manquer à Noël. Un des produits stars des fêtes. En fait, 9 Français sur 10 le consomment. Le produit qui va vous manquer, c'est le foie gras. La raison est double. Tout d'abord, la grippe aviaire et ensuite, l'augmentation des coûts de production. Eh oui, l'inflation est encore là pour vous gâcher les fêtes. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous connaissez maintenant Cicéron. Cicéron, c'est pas carré, est marié avec Éveil des Sens et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Et aujourd'hui, Cicéron met tout ce qu'il peut, tout ce qu'il sait faire dans le fait d'avoir une belle fête de Noël. Pour lui, c'est essentiel pour pouvoir raccrocher les wagons avec son époux. Et puis c'est aussi essentiel parce que à Noël, il adore faire la fête et il adore manger. Il mange même énormément jusqu'à aller se faire vomir. D'ailleurs, il a un truc infaillible. Si vous voulez vous faire vomir pour manger encore plus pendant les fêtes, mettez un doigt dans la bouche et l'autre dans les fesses. Et si ça ne marche pas, inversez les doigts. Bref, Cicéron a tout son petit attirail pour Noël et aujourd'hui, il commence à faire ses courses. Et il va donc dans un supermarché pour essayer de trouver l'élément fétiche de Noël, celui qu'il consomme tout le temps pendant les fêtes, mais plus particulièrement à Noël, le foie gras. D'ailleurs, 9 Français sur 10 consomment, comme Cicéron, du foie gras à Noël. 79% des Français pensent que c'est un incontournable à Noël. Devant le saumon fumé, 70% et même devant la bûche de Noël qui ne rassemble que 64% des Français. Seulement voilà, en circulant dans son magasin, Cicéron s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de foie gras que d'habitude. Surtout que lui a l'habitude d'acheter du foie gras frais. Et en passant devant l'étal, il voit bien que le foie gras frais a une drôle de tête. Et il se demande pourquoi. Eh bien, la raison, elle est très simple et 2 personnes pourraient la lui donner. Yvon et Eva. Yvon et Eva Lavallée, ils sont à la fois maraîchers toute l'année, mais également éleveurs de canards avec une grande spécialisation dans le foie gras. Alors, Eva Lavallée, c'est peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, elle s'est déjà paumée dans son verger, mais Yvon et Eva, ils connaissent leur métier et ils savent faire du foie gras. Seulement cette année, ils ont eu un énorme problème, la grippe aviaire. Il n'y avait plus de poussins mâles pour faire le foie gras. Parce que, généralement, ils prennent tous les deux des poussins mâles. Le poussin mâle, quand on le gave, il fait plus de foie gras que le poussin femelle. Et puis, surtout, il a un foie gras qui est beaucoup plus joli d'aspect. Dans 20 à 40% des cas, le foie gras qui vient d'une femelle, eh bien, il laisse apparaître les veines. Et les gens aiment beaucoup moins voir les veines. Bref, cette année, il y a eu une épidémie de grippe aviaire dans le sud-ouest de la France. C'est là où sont la plupart des nichoirs, c'est-à-dire les endroits où naissent les poussins mâles qui, après, seront gavés pour donner du foie gras. Et du coup, quand Yvon et Eva ont voulu aller acheter leurs poussins mâles, ils n'en ont pas trouvé. Il faut dire que 16 millions de poussins ont été tués à cause de la grippe aviaire. Du coup, Yvon et Eva ont cherché d'autres poussins pour pouvoir compléter. Et ils ont trouvé majoritairement des poussins femelles ailleurs en France. Ces poussins femelles, c'est maintenant la majorité de leur cheptel de 26 000 canards. Et ils sont beaucoup plus difficiles à gaver. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'ici, on tuait les poussins femelles à la naissance, parce qu'elles n'étaient pas bonnes au gavage. Elles donnent moins de foie gras et un foie gras d'aspect plus vilain, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Alors, vous me direz, maintenant, au moins, on ne les tue pas à la naissance, on les laisse grandir pour les gaver. Ceci dit, je ne suis pas du tout certain qu'elles y gagnent au change. Quoi qu'il en soit, 80% de la production d'Yvan et d'Eva sont donc maintenant des femelles, en tout cas pour cette année. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins de foie gras que d'habitude. 200 kg de foie gras fabriqués au lieu d'une tonne habituellement. Et cette différence, eh bien forcément, elle se retrouve dans le supermarché dans lequel Cicéron ou vous-même faites vos courses. Michel-Édouard Leclerc annonce 30 à 40% de produits en moins en 2022. Et en plus, Yvon et Eva Lavallée, en fabriquant leur foie gras, eh bien, ils ont eu une hausse des prix. Ils ont été frappés par l'inflation. Le prix des canards, comme il y en avait beaucoup moins en production, puisque une grosse partie de notre production vient du sud-ouest qui a été frappé par la grippe aviaire, et l'autre grosse partie de notre production vient d'Ukraine qui a actuellement quelques problèmes de voisinage, eh bien, forcément, il y a moins de canard et donc leur prix augmente. Ça, c'est la première partie de leur inflation. Mais comme tous les autres, eh bien, ils sont touchés aussi par l'ensemble des coûts, que ce soit les coûts d'emballage ou surtout les coûts de l'électricité. Parce que malgré tout, pour leur ferme, comme pour toutes les fermes, eh bien, il y a un gros besoin d'énergie. La hausse des coûts de l'énergie, ils le retrouvent donc dans leurs coûts de production. Ce qui fait que Yvon et Eva, quand ils vendent du canard à Cicéron, ou plutôt au supermarché en l'occurrence, eh bien, ils le vendent naturellement plus cher. Et cette hausse des prix que vous avez chez Yvon et Eva, eh bien, en bout de chaîne, Cicéron la retrouve dans le foie gras de canard qu'il va acheter. Aujourd'hui, les prix du foie gras frais que voit Cicéron, eh bien, ils sont entre 57 et 60 euros le kilo. C'est 15 à 20 euros de plus que l'année dernière. Bref, d'un côté de la chaîne, Yvon et Eva ne sont pas contents parce qu'ils ont fabriqué beaucoup moins de foie gras que d'habitude, avec des coûts de fabrication supérieurs à d'habitude. Du coup, même s'ils ont réussi à maintenir leur marge, ils ont moins vendu et ils vont gagner moins d'argent. Et de l'autre côté de la chaîne, Cicéron n'est pas content parce qu'il a un foie gras dont l'aspect est moins bon que d'habitude, qui en plus lui coûte beaucoup plus cher que d'habitude. Et il sait qu'il ne pourra pas en acheter autant qu'il le voudrait. Tout cela promet un repas de Noël assez décevant et il sent bien que sa femme va de nouveau lui faire la tête. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter du foie gras à Noël? Est-ce que vous allez en acheter? Est-ce que vous avez constaté cette augmentation des prix sur le foie gras ou même cette légère diminution de la qualité visuelle parce que le goût est le même, voire même est-ce que vous avez vu qu'il commençait à y avoir des pénuries de foie gras comme le dit Michel-Édouard Leclerc? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, le contraire de la libido, c'est le bidoli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.